Bonjour Tiphaine, on vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mois après la publication d'un cahier de Lerne consacré à l'écrivain John le Carré, nous consacrons, nous, notre thématique de la semaine, à la littérature d'espionnage. Une semaine qui devrait intéresser le paranoïaque qui sommeille en chacun de nous, lequel cherche partout les conspirations et les agents doubles, alors que la défiance envers le pouvoir et les élites n'a jamais été aussi grande que dans la société postmoderne. C'est sur ces thématiques qu'a travaillé Dorothée Huchet à partir de l'œuvre de Le Carré. Nous en parlerons avec elle demain. Mercredi, une émission consacrée à l'autre grand écrivain anglais de littérature d'espionnage, Graham Greene. François Galix retracera pour nous son parcours de vie et détaillera les thématiques chères à l'auteur de Notre agent à la Havane. Enfin jeudi, en première partie, nous remonterons à la Première Guerre mondiale où se situent bien des sources de la littérature d'espionnage. François Rivière nous racontera cela. Tandis qu'en seconde partie, nous accueillerons Marie Connet qui tente dans son roman épopée de renouveler le genre de l'espionnage en le poétisant. Et aujourd'hui, si j'étais espion, j'étais écrivain qui est devenu espion, et pas espion qui est devenu écrivain. C'est pas vrai que j'étais espion, mais je suis toujours fasciné de faire des calculations dans le royaume de ce qui est possible dans la politique secrète. C'est pas vrai que j'étais espion, disait Le Carré en 1974. Nous allons revenir aujourd'hui sur ce petit mensonge, notamment au cours de cette émission avec vous, Isabelle Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes également traductrice. Vous avez traduit de nombreux livres de John Le Carré, une douzaine de ses romans à compter de La Maison Russie en 1989 aux éditions Robert Laffont. C'est souvent une co-traduction. On a remarqué ça sur la couverture. On peut lire, comme sur celle par exemple de La Constance du jardinier, traduite de l'anglais par Mimi et Isabelle Perrin, qui est cette Mimi, est-ce une espionne ? Non, c'était ma mère qui était une traductrice émérite, aux côtés de laquelle j'ai pu commencer ma carrière moi aussi de traductrice. Et nous avons traduit à quatre mains pendant des années, jusqu'à son décès en 2010, et depuis j'ai repris le flambeau toute seule. Mmh. Alors c'est toute seule que vous avez traduit par exemple Le tunnel aux pigeons, Histoire de ma vie, c'est les mémoires de John le Carré, paru en 2016 au Seuil dans la collection de poche Point. On va évidemment se baser beaucoup sur ce livre pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis donc il faut signaler que cette année, en 2018, vous avez dirigé le cahier de Lerne, John le Carré, où ne figure aucune biographie en tant que telle, mais en revanche il y a toute une partie intitulée Légendes et couvertures, dans lequel on trouve un certain nombre de textes sur la vie de John le Carré. Notamment il y a ce texte qui s'appelle La cravate de John le Carré, c'est un texte écrit par Bernard Pivot. Il faut dire que Bernard Pivot était un journaliste qui était très bien considéré, disons, par John le Carré en 1989. Le Carré était passé dans l'apostrophe, on entendra certaines archives de cette émission. Et alors, il intitule son texte « La cravate de John le Carré ». Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu non pas cette cravate en tant que telle, mais du rapport que John le Carré avait avec la critique française ? Alors, il avait plutôt de bons rapports avec la critique française. Il était en revanche extrêmement méfiant et parfois virulent à l'égard de des journalistes britanniques notamment. Et il a trouvé chez Bernard Pivot, en particulier la critique française en général, une qualité de lecture qu'il ne trouvait pas forcément dans d'autres articles qui lui étaient consacrés. C'est pour ça qu'il avait une cravate française, vous croyez ? Je ne sais pas, mais l'histoire de cette cravate telle que la raconte Pivot, c'est que Pivot faisait le siège de Le Carré depuis des années pour le recevoir sur le plateau d'Apostrophe. Et alors, sans raconter toute l'anecdote, un jour, ils se retrouvaient ensemble à une remise de prix. Tout le monde était extrêmement bien habillé et Pivot n'avait pas de cravate et donc Le Carré lui a élégamment tendu la sienne et Pivot l'a remercié et Le Carré lui a dit que cette cravate scellait leur amitié, enfin une formule quelconque, et qu'il lui suffirait de lui en reparler pour qu'il vienne à Apostrophe, et c'est ainsi que l'émission s'est faite par la suite. Alors il y a une biographie officielle aussi de John Le Carré écrite par Adam Sisman, elle n'est pas encore traduite en français, peut-être la traduirez-vous, je ne sais pas, Isabelle Perrin, elle date de 2015, mais finalement, il faut peut-être aller directement à la source et donc à ce tunnel aux pigeons pour mieux comprendre John Le Carré, qui était un grand manipulateur, un grand dissimulateur, un grand menteur peut-être aussi. Et on a entendu dans l'archive qui ouvrait cette émission qu'il n'a pas toujours dit la vérité sur le fait qu'il était lui-même un espion. On peut même dire qu'il a constamment menti à ce sujet et à beaucoup d'autres sujets. Et avec l'âge, donc dans Le Tunnel aux pigeons, mais dans d'autres entretiens ou articles récents, il explique qu'il... Il a un rapport à sa biographie, non pas à sa vie, mais un rapport à sa biographie qui est celui d'un romancier à un texte de fiction. Et il la réinvente constamment. Alors, au tout début de sa carrière, c'était pour des raisons évidentes, puisque ses premiers romans sont sortis quand il travaillait encore dans les services secrets, d'où le choix du pseudonyme et de discrétion imposée, bien évidemment. Mais par la suite, une fois que ça s'est su et que ça a été révélé et que n'avait plus grand-chose à cacher, donc après l'extrait sonore que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, il a continué à brouiller les pistes sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres. Et quand on lui met sous les yeux ses mensonges, il dit « oui, j'ai inventé, c'était plus joli que la réalité ». Voilà, donc c'est une espèce de jeu qui montre d'ailleurs son autodérision et son humour qu'on retrouve par ailleurs dans ses romans, et qui, au fond, cache bien sûr un certain nombre de secrets, de blessures, et il préfère en jouer et désamorcer les questions par des pirouettes que finalement ce qu'il avait fait au début de sa carrière, qui était de tout cacher absolument. Mais dans Le Tunnel aux pigeons, vous avez l'impression qu'il est sincère et que là, maintenant, on connaît vraiment la vie de John Le Carré. Sincère, oui, mais pour tous ceux qui l'ont déjà lu ou qui vont le lire, il ne faut pas le prendre comme une autobiographie. On en apprend finalement assez peu sur un certain nombre de sujets, notamment sur sa vie privée, sa vie personnelle et sa vie familiale, qu'il, dès l'introduction, il signale qu'il n'en parlera pas. Sur ses années d'espion, il y a quelques chapitres tout à fait amusants, mais qui relèvent plus de l'anecdotique. Donc, il nous livre énormément d'anecdotes, mais il ne nous livre peut-être pas le vrai récit de sa vie, et de manière volontaire, évidemment. Alors, il avait caressé un jour l'idée d'écrire une autobiographie, mais d'un autre type, en demandant à un détective privé, ou deux mêmes détectives privés, je crois, d'enquêter sur lui et de lui remettre un dossier qui lui aurait servi de matière première. Oui, alors... sur lui et notamment sur son père, personnage central à la fois évidemment dans sa vie, mais dans ses écrits et dans la motivation de beaucoup de ses écrits, qui était un escroc patenté. Ronnie Cornwell. Ronnie Cornwell, qui était un personnage de roman, si j'ose dire, extraordinaire, beau parleur, charmeur, extrêmement intelligent. Très menteur alors lui aussi. Extraordinairement menteur. à tout point de vue. C'était vraiment un escroc. Il a fait de la prison plusieurs fois. Il a passé sa vie à monter des opérations de cavalerie, à faire des arnaques pour se sauver de l'arnaque précédente qui avait mal tourné. Et donc la duplicité, le carré l'a apprise quasiment au berceau. Et donc, pour en revenir à ce projet d'autobiographie ou de biographie qu'il avait, il voulait sur la page de gauche mettre les faits réels tels que lui s'en souvenait, et sur la page de droite l'enquête qu'auraient pu faire ces détectives qu'il aurait engagés. C'est un magnifique projet. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mené à bien? Je pense que, alors peut-être que concrètement c'était très compliqué, et notamment il relate puisqu'il a quand même lancé le projet. Et ces détectives sont revenus bredouilles de plusieurs enquêtes dans des archives qu'ils avaient pu faire. Mais surtout, je crois que ça n'était pas assez romanesque pour le carré. Il manquait ce à la fois sans doute les outils stylistiques qui dont on parlera plus tard, mais surtout ces pieds de nez à la vérité. Ça aurait été trop cru. Je pense, pas assez élégant. Alors, ce qui est quand même très romanesque, c'est, il faut poursuivre un petit peu dans cette voie, le père de John le Carré. Il faut dire que il abandonne ses enfants dans des collèges dont il ne règle pas la note. Il crée des sociétés fictives avec du faux papier en tête. Il collectionne les Rolls, les maîtresses, les chevaux de course. Et alors, il va même intenter un procès, on en rit, mais finalement, c'est pas tellement drôle, à son fils, pour ne pas lui avoir rendu assez hommage au cours d'une émission de télévision, Isabelle Perrin. Oui, absolument. Il l'a poursuivi en justice et il n'a eu de cesse de s'accaparer un peu la réussite de ce fils. Il a notamment, à son insu, il est allé chez son éditeur pour récupérer des livres qu'ensuite il dédicassait en signant le père de l'auteur. Oui. il a même usurpé son identité, notamment pour séduire des femmes. Pour séduire des femmes. Il a, selon lui, il lui a toujours dit, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour vous, donc pour David Cornwell, le vrai nom de John le Carré et son frère aîné. Et en même temps, il leur en a presque voulu de leur réussite. Il aurait aimé que cette réussite rejaillisse sur lui et légitime son parcours. Je suis venu d'une famille très curieuse. Mon père était négociant ambitieux, trop ambitieux. Il était souvent en prison, il a toujours souvent fait faillite. Et il était aussi très aimable et très ambitieux pour nous. Et il nous fallait, mon frère et moi, il nous fallait dissimuler, dire que nous étions riches, que nous étions pauvres, observer pour survivre. Dire que nous étions de la grande bourgeoisie, que nous étions des parvenus. C'était une mentalité que j'ai héritée de ma jeunesse, que j'ai appliquée pour peu de temps dans une carrière qui est devenue my credit balance, ma bilan à la banque comme ma jeunesse. Mais c'est une vie qui me sert comme théâtre, comme comédie humaine rétrospective. La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est assez beau cette idée, Isabelle Perrin, qu'il a grandi dans un théâtre, dans une comédie humaine, et en même temps c'est glaçant. C'est terrible et il ne s'en remettra jamais. Il explique dans ses mémoires notamment que un peu avant, mais surtout après la mort de son père, il a essayé d'écrire sur lui et qu'il n'y arrivait pas. Il finira par y arriver de manière détournée dans Un pur espion. C'est vraiment son père d'ailleurs qui est le modèle de Un pur espion. Absolument, et de même que George Smiley, son héros emblématique, est une figure paternelle de substitution, il l'a toujours dit. Donc c'est une vraie faille, et ce qui m'a intéressé dans l'extrait que nous venons d'entendre, c'est aussi ce fait que, comme il était dans des écoles privées huppées et qu'il côtoyait la grande bourgeoisie alors que son père passait d'une faillite à une autre, ne réglait pas les factures, etc., lui-même, donc, dès sa jeunesse, a été obligé de mentir sur qui il était. Le titre de votre émission, Né dans le mensonge, qui est une de ses citations, dit tout. Donc c'est à partir de ce terreau cruel de son enfance qu'il a composé tout le reste. Il faut préciser que l'archive qu'on a entendue était précisément extraite de cette émission avec Bernard Pivot, célèbre en 1989. On pense un peu à Fitzgerald quand on réfléchit à cette enfance de John le Carré. Il y a un côté fêlure, comme Gatsby le Magnifique a aussi une fêlure. John le Carré, lui, a cette fêlure de l'enfance. Absolument, et il ne se sent à sa place nulle part. Il parle d'imposture, parce qu'il aura aussi bien pu fréquenter les grands palaces en Suisse, à Graz, sur la Riviera française, donc c'est tout à fait Gatsby. En effet, son père avait deux chevaux de course, donc les champs de course les plus huppés, et à l'époque, il faut imaginer les chapeaux de forme, les redingotes, etc. Et lui se vit comme un enfant, sinon du peuple, mais en tout cas sans les moyens des ambitions de son père. Mmh. Et cette fêlure-là, qui le fait visiblement beaucoup souffrir, se retrouve dans nombre de ses personnages. Et puis l'autre fêlure, c'est évidemment en rapport avec sa mère. Elle aussi, c'est tout un roman, c'est un personnage aussi. C'est un personnage de roman, et là encore, sans vouloir trop lire dans la vie de l'auteur pour expliquer son œuvre, mais elle a quitté le domicile familial alors que les deux frères Cornwell étaient très jeunes. Pendant la nuit quand même, alors que les enfants dormaient. C'était vraiment presque une exfiltration, lui-même le dit, d'espionnes. Elle les abandonne sans aucun signe avant-coureur, en tout cas pour eux, du moins les enfants. Et il aura cette phrase plus tard, parce qu'il la retrouvera bien des années plus tard. Il dira « je ne l'ai pas connue enfant et je ne l'ai pas comprise adulte ». Parce qu'ils vont se retrouver et la mère va réinventer un petit peu l'histoire de sa relation avec son fils pour l'enjoliver, alors que lui, finalement, n'arrivera jamais à déglacer l'enfant traumatisé qu'il a été à cause du départ de cette mère. Absolument, et ce qui est très troublant, il en parle là encore dans ses mémoires, c'est qu'elle s'est donc refait une vie. Il finit par la retrouver après des péripéties, là encore, dignes d'un roman d'espionnage. Et dans certaines scènes, puisqu'elle a à ce moment-là un certain âge, elle lui parle à lui, son fils, comme s'il s'agissait de Ronnie, donc le père et son ex-mari. Et lui est très troublé puisque il ne la connaît pas, et le seul lien qu'il peut avoir avec elle, c'est en incarnant ce père qu'elle a quitté. Oui. Il ne l'a jamais comprise, même en parlant aux proches de sa mère, c'est resté une personnalité qui a toujours été mystérieuse pour lui. Oui, absolument. Et de fait, il s'est assez peu souvent lancé dans l'écriture de personnages féminins, même s'il y a des exceptions notables, notamment Tessa dans La Constance du Jardinier, Charlie dans La Petite Fille au Tambour. Personnages sublimes qui, moi, me font regretter le fait qu'il n'en écrive pas plus souvent. Je pense qu'il n'ose pas. Il dit lui-même, du coup, j'ai jamais trop rien compris aux femmes, en fait. Voilà, toujours pareil, à partir de cette fêlure de l'enfance. Pour quelles raisons avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets en 1950? Parce qu'en entrant dans cette société secrète, elle m'a apporté une protection, moi qui étais à la dérive et mal assuré. J'ai reçu l'accolade du monde secret. Pour la même raison que l'on entre dans une société criminelle, un gang, ce sentiment de supériorité quand vous marchez dans la rue en vous disant « je sais des choses que tu ne sais pas ». Dans vos mémoires, vous écrivez à la fin que vous étiez fait pour l'espionnage, comme C.S. Forrester était fait pour la mer. Absolument. J'avais un père délinquant. Je n'avais pas d'attache particulière. J'étais disponible. Ils sont très doués pour identifier flatter, recruter et utiliser les gens. Ils apprécient une touche de criminalité. Ils apprécient votre côté charmant, amusant. Et pendant ce temps-là, ils se disent, puis-je te recruter à mes fins? C'est très souvent une extériorisation de nos propres insécurités. Un entretien accordé à François Bunel par John Le Carré. Décidément, John Le Carré donne beaucoup d'entretiens aux journalistes français, bien plus qu'aux journalistes britanniques. Alors ce qui frappe évidemment, c'est qu'il a été recruté extrêmement tôt quand même par les services secrets britanniques. Il avait environ 16 ans, c'est ça, Isabelle Perrin ? Oui, alors là encore, il cultive un flou sur la question. Alors tout ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il a quitté donc et sa famille et les écoles privées anglaises qu'il ne supportait pas à 16 ans pour aller étudier à Berne. Ensuite, il est revenu, il a étudié à Oxford, puis il a enseigné à Eton. Il a été enseignant de langue, c'est ça ? Il a été enseignant d'allemand. L'allemand est, comme il l'appelle, sa muse, la langue allemande, la culture allemande, la littérature allemande. Et par parenthèse, c'est une des caractéristiques de son style, puisque Le Carré, et de manière de plus en plus prononcée au fil des années, cultive la phrase, le goût de la phrase longue, ce qui est relativement rare en anglais si on fait des générations. La littérature anglaise aura peut-être plus de phrases courtes que la française, enfin c'est un petit peu généralisé de manière facile, mais surtout, a fortiori, dans la littérature dite de genre, que ce soit le polar ou l'espionnage, où l'essentiel est de faire avancer l'intrigue, peu importe le style à la limite, et lui cultive ce travail de la phrase, ce travail stylistique, notamment parce qu'il est pétri de littérature allemande. Et alors ça fait des phrases qui, en anglais, vous connaissez évidemment bien le texte puisque vous l'avez traduit, n'est pas toujours évident dans la sonorité, dans la construction et du coup dans la lecture parce que il pensait bien souvent en allemand sa phrase, ce qui fait qu'il pouvait rejeter par exemple le verbe à la fin. Oui, alors sans aller jusqu'à copier la structure de phrase allemande, mais en tout cas sa cadence peut-être, sa longueur, c'est évident, sa cadence et en effet peut-être là encore est-ce assez symbolique le fait que les révélations arrivent à la fin de la phrase, en quelque sorte, ce qui est assez évidemment représentatif de son style au sens plus large. Voilà, donc pour son parcours universitaire et quelque part en chemin, il est repéré, donc il aurait informé les services secrets quand il était étudiant, il aurait fait passer quelques messages, alors de tout ça, là encore, est raconté dans ses mémoires de manière follement drôle, mais tellement anecdotique qu'on n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Et puis finalement, il est en effet recruté, donc apparemment, il aurait passé 2 ans au MI5 et quelques années au MI6 ensuite. Et donc même il reste quand... tout de même fidèle au fait de ne pas dévoiler par rapport au service secret ce qu'il a fait au MI5 et au MI6. En effet, alors il a plusieurs types de réponses. La première, c'est qu'il est toujours soumis à la loi sur le secret officiel, comme tout ancien officier du renseignement. Ça, je pense, quand il veut se débarrasser assez vite de son interlocuteur. Et par ailleurs, il s'est beaucoup employé, notamment dans les années récentes, à expliquer que ce qu'il a fait dans les services secrets n'avait aucun intérêt. Oui, que c'était un gratte-papier, finalement. Voilà, un petit gratte-papier. Alors, est-ce vrai ? Seul lui le sait, je pense. En tout cas, c'est assez, là encore, intéressant de voir qu'il dit ça ces dernières années, de manière à peut-être renforcer l'image assez originale et même révolutionnaire à l'époque de ses premiers romans qu'il donne des services secrets. C'est l'anti-James Bond. On est dans des bureaux ternes. On passe des heures et des jours à essayer de traquer le parcours d'un espion en épluchant des dossiers plutôt que par d'autres moyens plus sophistiqués. Et peut-être, en ce sens, veut-il faire se conformer ce qu'il dit de sa vie et de son travail dans les services secrets à l'image qu'il a pu en donner lui-même dans ses romans. En tous les cas, il va travailler pour le Foreign Office en Allemagne de 1959 à 1964. Et c'est là donc qu'il va commencer à écrire ses premiers romans. L'Appel de la Mort, 1961. Chandelle Noire, 1962. Qui sortent dans l'indifférence générale, Isabelle Perrin. Oui, quasiment. Quasiment, le vrai succès, évidemment, viendra avec L'espion qui vient du froid, en 63. Donc, il écrit trois romans coup sur coup. Les deux premiers, d'ailleurs, sont plus des polars, en fait, mais dans lequel apparaît déjà un certain George Smiley, donc qui est à ce moment-là dans sa carrière en rupture de banc avec les services secrets et auquel on fait appel pour résoudre une enquête policière. Et donc ses premiers romans paraissent dans l'indifférence générale, ce qui ne le traumatise pas plus que ça d'ailleurs. Il explique qu'il écrit parce que il ne peut pas s'en empêcher, c'est vraiment l'affaire de sa vie finalement. Et avec L'espion qui venait du froid, pour le coup, là, il entre en résonance avec l'époque, avec le mur de Berlin. C'est ça qui explique le succès, c'est justement la résonance avec l'actualité de l'époque. J'en ai l'impression, cette résonance avec l'actualité, un excellent travail éditorial aussi derrière de ces maisons d'édition qui croyaient beaucoup à ce roman, et peut-être aussi ce que je disais précédemment, l'écho qu'a pu trouver cette grisaille, ce côté non spectaculaire qu'il décrit dans ses romans par rapport à l'archétype de l'époque qui était James Bond. Oui. Et que, c'est l'espion normal. Voilà, exactement. L'espion normal. L'espion normal. En imperméable, qui n'est pas un surhomme athlétique, qui ne passe pas sa vie entouré de jolies filles à boire des martinis dry, mais qui fait une œuvre de petite fourmi en reliant des éléments infimes entre eux pour finir par aboutir à des découvertes. Mais alors, est-ce que c'est un écrivain d'espionnage? Parce que quand même, et la manière dont justement vous insistez sur le fait que ce personnage d'espion n'est pas caricatural, fait que ça ouvre quand même à un autre genre de littérature la manière de John le Carré, Isabelle Perrin. Absolument. Alors, on ne peut pas dire que ça n'est pas un auteur de romans d'espionnage, bien évidemment, puisque c'est la toile de fond de la plupart de ses romans d'avant la guerre froide et de certains des années 90 et 2000. Mais lui-même dit, si j'avais pris la mer, j'aurais écrit des romans sur la mer, et si j'avais travaillé à la City, j'aurais écrit sur les traders. Vous croyez que c'est vrai ou alors c'est une formule? Je le crois parce que, et là encore, alors ça se voyait déjà dans les romans du début, mais encore plus maintenant, son souci est de travailler sur l'humain et sur toute l'ambiguïté des relations humaines, de manière, alors non pas métaphysique ou pompeuse ou philosophique, mais dans tous les petits accidents de la vie, dans ce qui fait que nous sommes faillibles. Alors, moi, enseignante de fac, je suis faillible. George Smiley, espion, est faillible vous également. Vous êtes peut-être une espionne aussi. Ouais, je ne vous le dirai bien évidemment pas à l'antenne. Et voilà, donc je crois que c'est sur ce tissu-là qu'il souhaitait travailler. Et coup de chance, si j'ose dire, il a travaillé dans le milieu de l'espionnage et quel milieu lui permettait de mieux faire ressortir cette fragilité humaine. Mais je ne crois pas que sa déclaration que je mentionnais tout à l'heure soit une pirouette. Il aurait mieux connu un autre milieu, il aurait pu écrire son grand œuvre sur un autre sujet. Oui. Alors, L'espion qui venait du froid, vous l'avez dit, c'est vraiment la guerre froide. Et on a pu imaginer à un moment donné que John le Carré, une fois le mur de Berlin tombé, perdrait finalement ce qui a fait son originalité et son succès. Comment s'est-il renouvelé finalement avec un contexte géopolitique bouleversé? Alors tout le monde l'a dit mort au moment de la chute du mur, a annoncé que voilà son fonds de commerce avait disparu en quelque sorte. Commerce c'est l'enfance. Hein. C'était oui exactement. Tout le monde pensait que le fonds de commerce c'était l'affrontement Est-Ouest, mais comme nous venons de le dire, ça va en fait beaucoup plus loin que cela. Et alors moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le traduire et il était évident qu'il allait s'intéresser à d'autres domaines, notamment géopolitiques, et que son terrain de jeu ne se réduisait pas à l'affrontement Est-Ouest. Il a par la suite abordé beaucoup de sujets d'actualité, donc les grandes entreprises, les grandes entreprises, le blanchiment d'argent par justement toute la City, et notamment au profit de certains terroristes, les agissements des multinationales pharmaceutiques, voilà, énormément de thématiques, très souvent d'ailleurs très légèrement en avance sur l'arrivée de ces thématiques pour le grand public, évidemment, que ce soit, je pense notamment à ses romans sur le Caucase, les républiques du Caucase, sur les lanceurs d'alerte. Il sent l'air du temps, il s'en empare. Est-ce qu'il lit beaucoup la presse ? Il lit beaucoup la presse, oui. Il est, on peut supposer, je n'en sais rien, qu'il a gardé certains contacts, peut-être également. Mais je pense qu'il a cette intelligence politique de sentir l'endroit où ça va craquer, en quelque sorte. Et donc, quand il rédige sur les républiques du Caucase, il s'y rend, puisque c'est un auteur qui va sur le terrain beaucoup avant d'écrire ses romans. Il a écrit sur l'Ingouchi, et nous savons tous ce qui s'est passé après en Tchétchénie. Donc, c'était une manière de planter ce décor et de parler de l'ensemble en le ramenant vers le roman pour dire quelque chose du monde réel. Allez, on va poursuivre avec vous cette exploration de la vie de John le Carré, Isabelle Perrin, juste après la chronique de Marin de Viry. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes, dont vous allez nous détailler le sommaire. Bonjour Marin. Bonjour. Avant cela, êtes-vous sensible au roman de John le Carré ? Extrêmement. J'y vois une analyse fine des conséquences psychologiques de cette espèce de mimétisme géant qui a été le mimétisme Est-Ouest pendant toute la guerre froide. Et qui est un monde psychologiquement très étrange, parce qu'au fond c'est un monde dans lequel on peut trahir, c'est-à-dire passer d'un camp à l'autre sans se trahir, parce qu'au fond il y a cet effet de mimétisme. Donc il y a un vertige, je pense, propre à l'ontologie des personnages de Le Carré. Alors je ne sais pas si ce vertige perdure après la guerre froide, ou s'il a beaucoup évolué, parce que je l'ai peu lu post-guerre froide, si je peux dire, mais en tout cas ça m'avait beaucoup frappé, et aussi ces personnages qui d'une certaine façon vivent dans la suggestion et caressent leur suggestion, irritent leur plaie sur le plan psychologique. Voilà. Vous avez toutes les vacances de Noël pour lire les romans post-guerre froide, et puis pour lire aussi, mais vous l'avez déjà lu, la Revue des Deux Mondes consacrée au pape François. Oui, absolument. Le pape François, alors ça n'est pas donc un numéro sur le pape en général, mais bien sur le pape François, donc il est très, très spécifique sur beaucoup de choses, sur sa formation, sur ses conceptions des défis contemporains, sur la manière dont il envisage le dialogue des religions, etc. Alors évidemment, je ne peux pas, rendre compte de l'intégralité du numéro, mais disons que nous avons essayer de faire en sorte que d'une part sa biographie intellectuelle et personnelle soit très bien illustrée. Donc pour ça il y a un article de Christiane Rancé qui est François tout simplement, et qui retrace au fond la manière dont il s'est fait. Sa vocation notamment à l'âge de 17 ans, il est rentré dans une église, il s'est confessé pendant des heures alors qu'il avait rendez-vous avec sa fiancée, et puis au terme de cette confession il a compris qu'il allait devenir prêtre, et il a mis 5 ans tout de même à se débarrasser de sa vie civile, si je puis dire, pour rentrer chez les jésuites. Ensuite, le rapport avec la formation jésuite, qui est très très important, le rapport avec la pauvreté, le rapport avec la frugalité, avec la modestie, Modesty, ce que Jean-François Colosimo appelle de façon très très intéressante le flair mystique. Le flair mystique pour un jésuite, c'est de se dire plus on est frugal, plus on est modeste, plus on est authentique, plus on est capable de sentir chez l'autre la dimension spirituelle et donc du coup de d'imprimer, si je peux dire, l'influence qu'on souhaite avoir sur les autres. Donc c'est très important, comment dirais-je, de lire à la fois ce Christiane Rancé et cet article de Jean-François Colosimo. Alors, Jean-François Colosimo, en plus, comment dirais-je, a une analyse sur ce point spécifique qui est la théologie de la libération versus la théologie du peuple. Parce que le pape, lorsqu'il était général des jésuites en Argentine, s'est occupé au fond d'essayer de faire revenir les jésuites qui avaient basculé du côté de la théologie de la libération, et pour ça il a fallu qu'il théorise et qu'il exerce d'une façon particulière sur le plan intellectuel et idéologique son magistère. Et donc il a opposé au fond une théologie du peuple à la théologie de la libération. Donc oui. Ça c'est le dossier sur le pape François, oui. Toute autre ambiance avec un article sur Roger Nimier en 1956, même si Roger Nimier était sans doute chrétien aussi. Alors, enfin il était chrétien dans un sens. Alors là, Jean-François Colosimo vous dirait non. Enfin, je pense qu'il vous dirait non. Il était plutôt chrétien au sens maurassien, c'est-à-dire... alors, pour faire le lien entre les deux, il était chrétien au sens sociologique, comme disait Monseigneur Lustiger. Il était chrétien au sens... Disons qu'il allait à l'église, quoi. Disons qu'il allait à l'église, oui, c'est ça. Il était chrétien au sens... Vous savez, Bernanos avait une magnifique expression. Au fond, les catholiques sont devenus des cornichons dans des petits pots que font pousser les curés à l'abri des courants d'air. Et donc ça, c'est ce que Lustiger appelait les cathos sociologiques. Et je pense que Nimier était un cathos sociologique, alors très intelligent, très vif, etc. Mais enfin... C'était le décorum aussi. C'était le décorum. Mais enfin, disons qu'il n'avait probablement pas... Nimier qui est très, très, très bon écrivain, très intéressant, mais nihiliste au fond. Hein, pas du tout catholique. Mm-hmm. Hein, pas du tout catholique. Donc, là, l'espoir n'existe pas vraiment dans sa littérature. Vous avez tenté de me... de mettre les catholiques en contradiction avec les nihilistes. Bon. Et le fakir birman, alors, un autre article de la revue des Deux Mondes. Alors, le fakir birman est un personnage tout à fait intéressant qu'Olivier Garriguel met en exergue et qui est au fond une sorte de mage, guérisseur, qui a eu un énorme succès dans les milieux, notamment les milieux du cinéma, les milieux culturels des années 60. Et donc, Olivier Garriguel fait revivre cette figure au fond d'une sorte d'équivalent masculin des cartes anciennes. Et voilà, donc c'est la partie extrêmement intéressante, si vous voulez, c'est un angle amusant sur la crédulité au fond du milieu du cinéma, du milieu du showbiz par rapport à ce type de zozo vous ne qualifierez pas, pas autrement que par le mot zozo. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Je renvoie tous nos auditeurs sur le numéro de décembre-janvier de la revue des Deux Mondes. Comme c'est bizarre. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de la littérature d'espionnage jusqu'à jeudi, avec aujourd'hui un premier numéro sur John Le Carré. Nous sommes avec Isabelle Perrin, maîtresse de conférence à l'Université Paris 3. D'abord, une chose évidemment assez étonnante, c'est que votre vrai nom, c'est David John Moore Cornwell. Et vous avez choisi comme pseudonyme un nom qui sonne plutôt français, Le Carré. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire la vérité et puis je vais vous dire un mensonge. La vérité, c'est que j'étais, au temps où j'ai fait mes débuts d'écrivain, j'étais encore dans le Foreign Office et on m'a dit, c'était la vie officielle, il faut choisir un nom de plume. Alors je suis allé à mon éditeur anglais, il a dit, alors choisissez quelque chose de très simple, de très anglo-saxon, Chunk Smith, Herb Brown, etc. Et puis j'ai choisi John le Carré. Et la vérité, c'est que je ne sais pas d'où vient ce nom. Mais la vérité est toujours tellement ennuyante. que pour les journalistes, j'ai inventé la fiction, que j'étais sur dans un autobus de Londres, j'ai vu un magasin de chaussures et il s'appelait le magasin de John le Carré. J'ai volé le nom, mais c'est un mensonge. Isabelle Perrin, c'est tout de même quelque chose, cette histoire de pseudonyme. Est-ce qu'on peut voir chez John le Carré un agent double aussi de la littérature ? Oui, alors comme beaucoup d'autres écrivains, il explique que c'était un peu contraint et forcé qu'il a dû prendre un pseudonyme dans son cas particulier, mais nombreux sont les écrivains qui écrivent sous pseudonyme. J'adore l'extrait que vous venez de passer. C'est toujours cette même émission pur Le Carré. Oui. Et il l'a écrit par ailleurs dans d'autres articles. Il veut nous faire croire qu'il ne sait pas. Allons, John. Alors il invente voilà son histoire de j'étais sur un bus et il y avait un magasin il de chaussures. Il invente et en même temps il dit je l'invente. Donc je vous raconte cette histoire. Voilà, moi j'aime bien les histoires qu'il nous raconte, mais voilà, on ne touche jamais à la vérité de la chose dont il dit la vraie vérité, c'est que j'ai oublié, je n'y crois guère. Mais il y a peut-être une espèce de schizophrénie qui le sauve, John le Carré, avec cette histoire de double et cette histoire de pseudonyme, parce que on a vu en première partie à quel point son enfance avait été quand même assez tragique. On n'a pas raconté d'autres épisodes, mais il a expliqué qu'il était allé voir son père en prison en tenant la main de sa mère. C'est la seule fois où finalement il avait pu prendre la main de sa mère. Il y a un côté très très froid entre eux. Elle avait des gants, donc il n'a même pas vraiment touché sa peau. Et plus tard, il a raconté que cet épisode de la visite à la prison n'était en fait pas réel, qu'il l'avait vraisemblablement inventé. Donc là, on voit toute la schizophrénie du personnage et on a le sentiment que c'est pour se sauver finalement qu'il s'invente une autre vie. Je n'irai pas jusqu'à le qualifier de schizophrène, mais si tel était le cas, c'est une légère, saine schizophrénie, en tout cas. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il la cultive sans doute. Par ailleurs, de manière beaucoup plus triviale, c'est quelqu'un qui n'aime pas les grands raouts, les cocktails, le monde littéraire. D'ailleurs, il vivait etc. dans le sud de l'Angleterre, assez retiré. Absolument. Il a une maison au bord d'une falaise en Cornouailles. Il y vit toujours. Il n'aime pas le Londres, les prestiges, etc. Et donc, quand il va notamment à l'étranger, il ne s'inscrit pas dans les hôtels sous son nom de John le Carré. Donc, c'est une manière aussi pour lui de, alors sans doute une fois de plus, de masquer ses blessures d'enfance, mais aussi de se tenir un tout petit peu à l'écart du monde, même si intellectuellement et de manière rationnelle, il en suit l'évolution, mais il a une petite posture d'ermite. Il explore le monde de loin et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que ses observations sont aussi pertinentes. Comment ça se retrouve dans ses romans, cette thématique du double ? Il y a évidemment l'agent double, mais l'agent double, il peut être incarné par un personnage positif ou négatif. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, Isabelle Perrin ? Absolument. Alors, deux choses. Du point de vue des personnages, le traître chez Le Carré, c'est Bill Hayden, dans la taupe. Qu'on suit dans La Taupe et toute la trilogie de Carla, qui évidemment fait écho à un certain nombre de traîtres réels, comme Philby notamment. Mais ça peut être également des personnes qui, pour faire le bien, alors j'emploie l'expression avec beaucoup de guillemets, car Le Carré n'est pas aussi naïf que cela, vont eux aussi adopter des comportements d'agent double. Donc, comme toujours chez lui, rien n'est simple, rien n'est noir et blanc. Il n'y a jamais de manichéisme dans un monde manichéen. En tout cas, à l'époque de cette guerre froide, il est bien trop malin pour penser que tous ceux de l'autre camp sont des mauvais et nous, on est tous les gentils. C'est absurde. Et c'est bien justement ce qui creuse les plaies qu'il gratte, comme vous le disiez, c'est le fait que de part et d'autre de ce fameux mur, ils étaient identiques. Mais il y a une vision du monde quand même dans les romans de Le Carré. S'il y en a une, elle est très pessimiste, hélas. Et je pense qu'il, plus les années passent, plus il prend comme héros non plus des espions, mais des comme un honnête homme, dirait-on, qui se retrouve mêlé à des affaires d'espionnage. Et ça, c'est une évolution dans ses romans récents. Peut-être aussi pour mieux accrocher le lecteur en prenant un quidam. Parce qu'il peut y avoir une identification quand même très absolument, forte avec les personnages absolument, justement de Le Carré. Alors que c'est vrai que dans ses romans des débuts, il a été pris et parfois critiqué pour être un manipulateur de lecteurs. L'espion qui venait du froid, c'est une énorme machination contre le personnage principal, Alec Limas, mais au premier chef, contre le lecteur qu'on emmène en bateau du début à la fin du livre. Donc là, peut-être qu'il en revient un petit peu. Vous me demandiez par quoi pouvait se traduire ce côté double et agent double. Un des autres éléments stylistiques qui me frappe énormément depuis les tout débuts, c'est son talent pour le dialogue. Il sait incarner tous ces personnages, du plus secondaire au héros, en leur donnant une voix qui est marquée par toutes les empreintes de classe sociale, ce qui est extrêmement important en anglais, par tout ce qui est de l'ordre du régionalisme, par tout ce qui est du registre niveau de langue très vulgaire ou au contraire très très huppé. Le grand acteur Alec Guinness, qui a incarné Smiley pour une série de la BBC, saluait les talents d'acteur de John le Carré. Et il faut l'avoir vu en lecture publique. Quand je disais incarner ces personnages, c'est pas un mot choisi au hasard, il leur donne une voix propre. Mais cette facilité au dialogue, est-ce que ça n'est pas aussi une caractéristique de la littérature d'espionnage de manière générale? Est-ce qu'il n'y a pas justement dans cette... Parce que ce qui se passe dans la conversation entre deux espions ou entre un espion et son informateur, ça passe aussi par la voix, par le dialogue. Oui, en ce sens que le dialogue fait souvent avancer l'intrigue dans le roman d'espionnage et chez Le Carré également. Mais je trouve pour ma part, et surtout à l'époque, que les dialogues étaient un petit peu, ils sonnaient faux, ils étaient un petit peu stéréotypés, donc le contenu faisait avancer l'intrigue, mais il n'y avait pas vraiment de voix des personnages. Et lui, il a été très imité d'ailleurs par la suite là-dessus, pas toujours bien, parce que il les fait parler comme de vrais personnages et non comme uniquement des moteurs de l'intrigue. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de John le Carré avec vous, Isabelle Perrin. John le Carré, auteur de 24 romans, mais ça n'est pas qu'un romancier, John le Carré. Il faut pas oublier tout le reste de sa production. Il était journaliste. On peut peut-être dire un mot d'abord sur ses articles qui ne sont pas sans intérêt, bien au contraire. Alors, journaliste, non, il n'a pas travaillé comme journaliste. Enfin, éditorialiste peut-être. Mais il a souvent envoyé des lettres ouvertes, des billets d'humeur, des articles concernant différents sujets d'actualité. Et notamment, une part non négligeable de sa production vient des voyages sur le terrain que je mentionnais tout à l'heure, les voyages préparatoires qu'il fait depuis des années pour ses futurs romans. Et donc, il a écrit beaucoup d'articles, soit sur les pays dans lesquels se situaient ses romans, soit sur la thématique que traitaient ses romans. Donc là encore, en phase avec l'actualité et non... Il utilise l'actualité internationale dans ses romans, mais il en a aussi été un acteur. C'est une voix qui compte dans la société britannique actuelle. Il s'est notamment fermement opposé à la guerre, aux décisions de Tony Blair sur la guerre en Irak, avec des articles virulents. Il a été un des premiers à attirer l'attention, comme je le disais, sur les méfaits des multinationales pharmaceutiques au moment où il écrivait La Constance du jardinier. en aidant certaines associations à faire éclater des scandales. Donc c'est un homme, de ce point de vue-là, un homme engagé, même s'il n'est pas... Il n'est ni journaliste ni homme politique, mais il essaye d'éveiller les consciences sur un certain nombre de thématiques qui lui tiennent à cœur. C'est un homme en colère. Oui, on l'a surnommé le vieil homme en colère. Il n'hésite pas, parce que la plupart de ses articles, vu son talent, ont vraiment fait du bruit. Et il a eu beaucoup de critiques en retour, mais il ne supporte pas l'injustice et surtout la manipulation que peuvent faire les élites politiques de certaines thématiques qui touchent les Britanniques en particulier et nous tous en général dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'il s'est exprimé sur le Brexit par exemple ? Alors, il s'est exprimé sur le Brexit et notamment donc son tout dernier roman qui est paru qui s'appelle L'héritage des espions fait revenir une ultime fois le personnage de George Smiley à la toute fin du livre. Et son ancien assistant, Peter Gillam, lui en veut, lui dit mais pourquoi on a fait tout ça finalement ? Et il se lance dans un long monologue où il passe en revue toutes les raisons pour le capitalisme, pour la chrétienté, pour ceci. Alors il énumère et puis il en arrive à pour l'Angleterre. Oui, mais pour quelle Angleterre ? Moi, mon credo, ça a toujours été l'Europe, etc. Et il fait un vibrant plaidoyer pro-européen, j'ai oublié les dates exactes, mais sans doute quelques semaines ou quelques mois après le référendum sur le Brexit. Il faut dire que c'est un peu un citoyen du monde, ou en tous les cas, un citoyen européen, ça c'est sûr. Et sa passion pour l'Allemagne le dit assez bien, Isabelle Tout Perrin. À fait, oui. Comment pourrait-il ne pas être pro-européen parce qu'on a beaucoup parlé de l'Allemagne et de l'allemand, mais comme vous avez pu l'entendre dans les archives, il parle remarquablement bien le français, et il est également pétri de littérature française et de culture française. Donc s'il y a une évidence qui lui reste alors qu'il est relativement pessimiste sur l'état de notre monde, c'est sur justement sur l'Europe entre autres et sur la fraternité nécessaire entre peuples au-delà des élites dirigeantes qu'il critique vertement. Et puis il a beaucoup voyagé dans le monde entier, au Congo, au Panama, dans la Russie post-soviétique, au Cambodge même, pendant la guerre, en Israël, au Liban, il connaît tous ces endroits. Oui, il se déplace sur le terrain. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois, il explique lui-même que c'est lorsqu'il a écrit comme un collégien, qui se passe en partie à Hong Kong, il écrit son manuscrit, il rend le livre, et alors qu'il est sous presse, je crois, il se rend compte qu'il avait écrit une grande course-poursuite sur des ferries reliant les îles, etc. Et qu'entre-temps, un tunnel avait été construit. Et alors, il est absolument consterné. L'édition américaine paraît non corrigée et donc fautive. L'édition anglaise ensuite. Et donc, de ce jour, il est toujours allé sur le terrain. Donc, pour la première partie de sa carrière, il parlait de pays qu'il connaissait, les deux Allemagnes, l'Angleterre, évidemment, mais ensuite dès qu'il a abordé une géographie plus large, il a mis un point d'honneur à aller systématiquement sur le terrain, notamment pour écrire La petite fille au tambour en Israël, et côté palestinien et côté israélien, ce qui lui a là encore valu beaucoup de critiques. Alors le tunnel dont vous parlez, ça n'est pas le tunnel aux pigeons, titre quand même assez énigmatique de ces mémoires de John le Carré. Il faut expliquer ce que c'est que le tunnel aux pigeons, Isabelle Perrin. Oui, alors il explique que il a plusieurs de ses romans dans les versions préparatoires s'intitulaient Le tunnel aux pigeons. Donc c'est un titre qui le hante depuis longtemps, et ce titre s'explique par le fait que il a lui-même assisté, donc quand il suivait son père dans ses vadrouilles, en l'occurrence je crois que c'est à Monte Carlo, par le fait qu'il y avait tout un système pour que les riches joueurs se distraient par une espèce de baltrap vivant. On élevait des pigeons sur le toit de l'hôtel, qu'on lâchait pour que ces messieurs puissent se être distraire. Sûr d'avoir du gibier sur lequel tirer. Et que ces pigeons, ceux qui n'avaient pas été abattus, revenaient dans via un tunnel dans leur cage, et c'est une image qui l'a énormément frappé au point d'en faire l'image qui est celle de ses mémoires, donc de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans son cas?